Le traité d'Al-Hudaybiyah au mois de Dhul-Qi'da de l'an 6 de l'Hégire. La situation dans la péninsule arabique évoluant dans une grande mesure en faveur des musulmans, les prémices du succès de la prédication islamique commençaient de plus en plus à poindre. Les musulmans qui depuis 6 ans n'avaient pu se rendre à la Mecque allaient voir rétabli leur droit à adorer Allah dans le sanctuaire sacré. Ce fut durant la 6e année de l'Hégire que le prophète, alayhi salatu wassalam, vit en songe qu'il entrait en toute sécurité dans le sanctuaire sacré en compagnie de ses partisans, accomplissant les rites de la Umra, du petit pèlerinage. Leur tête était rasée. Toujours dans ce même rêve, il se vit remettre la clé de la Kaaba. Dès qu'il fit part de cette vision à ses compagnons, ils s'en réjouirent et crurent qu'ils allaient pouvoir rentrer à la Mecque cette même année. Le prophète alayhi salatu wassalam les informa de son intention de s'y rendre pour accomplir la Umra, c'est pourquoi ils se préparèrent au voyage. Le prophète sallallahu alayhi wasallam incita les Arabes et les Bédouins des alentours de Médine à l'accompagner, mais beaucoup ne participèrent pas au voyage. Il fit laver ses vêtements, monta sur sa chamelle Al-Qaswa et se mit en route pour la Mecque à la tête de 1500 musulmans, dont son épouse Salama. Les musulmans avaient pour seules armes leurs épées qu'ils gardaient dans leurs fourreaux, car ils n'avaient pas l'intention de combattre. Ibn Maktoum fut désigné comme le lieutenant du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Alors qu'ils s'approchaient de la Mecque et qu'ils furent arrivés en un lieu dénommé Dhul-Hulayfa, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ordonna que les animaux destinés au sacrifice soient ornés de guirlandes et que tous les croyants revêtent al-ihram, c'est-à-dire l'habit du pèlerin. Il dépêcha un éclaireur afin de collecter des informations sur Quraysh. L'homme rapporta que les Quraychites avaient mobilisé les Ahabish, les Arabes confédérés, ainsi que leurs propres combattants, et qu'ils avaient l'intention de combattre les musulmans et de les empêcher de se rendre au sanctuaire sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons. Abu Bakr lui répondit « Allah et son envoyé sont plus savants. Nous sommes venus avec l'intention d'acquitter la Umra et non pour combattre, mais si quelqu'un s'interpose entre nous et la maison d'Allah, nous le combattrons. » De leur côté, les Quraychites avaient tenu une réunion où ils avaient examiné la situation sous tous ses angles, et ils décidèrent d'employer tous les moyens possibles afin de ne pas laisser les musulmans accomplir la Umra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que les Quraychites l'attendaient à Zaytouwa et que 200 cavaliers conduits par Khalid ibn al-Walid se trouvaient à Qurra al-Ramim sur la voie principale menant à la Mecque. Khalid ibn al-Walid tenta de repousser les musulmans, venant prendre position en face d'eux. Lorsqu'il vit que ces derniers avaient accompli la prière du midi de Dhuhr, s'inclinant et se prosternant, il dit « Ils étaient inattentifs et ne se préoccupaient pas de nous. Nous aurions pu les attaquer par surprise. » Il décida d'attaquer les musulmans d'un seul coup durant la prière de l'Asr. Mais Allah révéla les règles relatives à la prière de la peur et la mission de Khalid échoua. Les musulmans changèrent de route et décidèrent de suivre une piste rocailleuse. Khalid ibn al-Walid revint alors auprès des siens pour les informer de l'arrivée imminente des musulmans. Lorsque les musulmans atteignirent le lieu appelé Thaniyatul Marar, la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam s'agenouilla et refusa de repartir. Entendant les gens dire qu'Al-Qaswa était rétive, le prophète sallallahu alayhi wassalam les informa qu'il n'en était rien et qu'elle était retenue par celui qui avait retenu l'éléphant. Il faisait allusion à l'événement des gens de l'éléphant survenu l'année même de sa naissance. Il dit « Par celui entre les mains de qui se trouve mon âme, j'accorderai aux Quraychites tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils respecteront et tiendront en haute considération les limites sacrées d'Allah. » Puis, poussant sa chamelle à se relever, il alla s'installer dans la partie la plus éloignée d'Al-Hudaybiyah, près d'un bassin où il y avait une petite quantité d'eau. Les musulmans se plaignirent de la soif au prophète alayhi salatu wassalam, qui sortit une flèche de son carquois et leur demanda de la placer dans le bassin. De l'eau en jaillit immédiatement et ses compagnons purent boire à leur soif. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se fut reposé, Boudayl ibn Warqa al-Khuza'i vint lui rendre visite. Accompagné de quelques membres de la tribu de Khuza'a, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait confiance en cette tribu, il l'interrogea sur l'objet de son voyage. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit qu'il n'était pas venu pour faire la guerre et il lui précisa ceci: « Je n'ai pas d'autre souhait que d'accomplir la Umra. » La guerre a épuisé les Quraychites et leur a causé beaucoup de pertes. S'ils le veulent, je pourrai conclure avec eux un pacte de non-agression, ils me laisseront alors face aux gens. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, accepter ce que les gens ont agréé, l'islam. Mais s'ils s'obstinent à vouloir la guerre, eh bien, par celui entre les mains de qui se trouve mon âme, je les combattrai jusqu'à perdre ma vie ou qu'Allah fasse triompher sa religion. » Boudail rapporta aux Mécois ce message. Ils envoyèrent alors un autre homme dénommé Mikraz ibn Hafs. En le voyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui-ci est un homme perfide » et lui tint le même discours. Il fut suivi d'un autre ambassadeur connu sous le nom d'Al-Hulays ibn Al-Qama. Lorsqu'il s'approcha, le prophète alayhi salatu wassalam ordonna que l'on envoie dans sa direction les bêtes du sacrifice. Les musulmans le reçurent en prononçant les formules de Talbiya. En assistant à ce spectacle, Al-Hulays dit « Pureté à Allah ! Il ne convient pas de repousser de tels gens de la maison d'Allah. » Il revint à la Mecque où il avertit les idolâtres de ne pas s'opposer à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons viennent honorer la maison d'Allah sous peine de rompre toute alliance avec eux. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi succéda à Al-Hulays. Il lui fut dit la même chose qu'à Boudail. « Ô Muhammad, vois-tu, si tu exterminais ton peuple, est-il un arabe avant toi ayant envahi les siens ? Par Allah, si ton peuple a le dessus sur toi, ce n'est pas ce ramassis de gens de toute espèce qui demeurera à tes côtés. » À cet instant, Abu Bakr se leva et exprima son indignation face à cette remarque. Al-Mughira ibn Shu'ba exprima les mêmes sentiments et il lui interdit formellement de toucher la barbe du prophète alayhi salatu wassalam. Là, l'envoyé de Quraysh ne manqua pas de rappeler avec irritation l'attitude d'Al-Mughira avant sa conversion à l'islam lorsqu'il avait tué et pillé des gens. Au cours de sa présence parmi les musulmans, Urwa avait remarqué l'amour indéfectible et le profond respect que les musulmans vouaient à Muhammad alayhi salatu wassalam. De retour à la Mecque, il se déclara convaincu que ceux-ci n'abandonneraient pour rien au monde le prophète alayhi salatu wassalam. Il exprima ce qu'il ressentait dans les termes suivants. J'ai visité Khosroès, César et le Négus dans leur royaume, mais ils n'étaient pas honorés par leurs compagnons autant que les Muhammad par les siens. Par Allah, lorsqu'ils crachent, ils recueillent sa salive et en frictionnent leur visage et leur corps. Ils s'empressent de faire ce qu'il leur ordonne. Ils ne laissent pas tomber par terre l'eau de ses ablutions. Ils baissent la voix quand ils parlent. Ils ne le regardent point avec insistance, tellement ils le respectent. Ils vous proposent un plan raisonnable. Acceptez-le. Voyant que leur chef allait choisir la réconciliation, certains jeunes gens de Quraysh, audacieux et préférant le combat, mirent au point un plan diabolique afin d'empêcher la conclusion d'un traité de paix. Ils décidèrent de s'infiltrer à la faveur de la nuit à l'intérieur du camp des musulmans et d'y provoquer des incidents afin de déclencher la guerre. Muhammad ibn Maslama, le chef des gardes musulmans, les captura tous. Ils étaient 70 ou 80, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aspirant à la paix, les fit remettre en liberté. C'est alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, décida d'envoyer auprès de Quraysh un ambassadeur pour leur confirmer ses positions ainsi que le but de son voyage. Il choisit Omar ibn al-Khattab, mais celui-ci regretta de ne pas pouvoir accomplir cette mission. Il craignait en effet la réaction de Quraysh et il n'avait en plus aucun parent influent dans la cité qui puisse lui accorder sa protection. C'est pourquoi suggéra-t-il au prophète alayhi salatu wassalam de dépêcher Othman ibn Affan en disant qu'il convenait mieux pour cette mission du fait de son appartenance à l'une des familles les plus puissantes de la Mecque. Othman ibn Affan se rendit à la Mecque sous la protection d'Aban ibn Sa'id ibn al-As qui le conduisit auprès des chefs mécois. Othman leur dit que les musulmans n'étaient venus que pour s'acquitter de la Omra et que leur intention n'était aucunement de provoquer une guerre. Il les appela à l'islam, comme le lui avait ordonné le prophète, alayhi salatu wassalam, et il apporta des nouvelles réconfortantes aux croyants de la Mecque, hommes et femmes, en leur annonçant que la conquête était proche et qu'Allah allait faire triompher sa religion à la Mecque. Les Mécois proposèrent à Othman d'effectuer les tournées rituelles de la Kaaba, mais il déclina leur offre en disant « Comment pourrais-je me permettre cela alors que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'en a pas le droit ?» Les Quraychites retinrent auprès d'eux Othman. Peut-être voulait-il se concerter sur la situation et prendre une décision qu'il ferait ensuite connaître à Othman pour qu'il l'apporte aux musulmans. Mais l'absence de Othman se prolongea. Lorsque cette rumeur parvint aux oreilles du prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Par Allah, nous ne quitterons pas ces lieux avant de combattre ce peuple », c'est-à-dire Quraysh. Il appela ensuite ses compagnons à venir jurer allégeance pour ne pas fuir. Une partie des musulmans lui prêtèrent le serment de sacrifier leur vie. Le premier à avoir prêté serment fut Abu Sinan al-Asadi. Salama ibn al-Aqwa fit trois fois la promesse de combattre jusqu'à la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam leva sa main gauche et la prit avec sa main droite, faisant ainsi serment au nom de Othman ibn Affan. Othman, après son retour, prêta également le serment d'allégeance. Seul un hypocrite, Jad ibn Qais, ne prit pas part à ce serment effectué sous un arbre et appelé Bay'atu Ridwan. Le Coran cita ce serment dans les termes suivants. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Sourate 48, verset 18, selon le sens du verset. La conclusion du pacte et ses articles. Prenant conscience de la complexité de la situation, les Qurayshites dépêchèrent Suhail ibn Amr pour établir un pacte avec les musulmans. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam aperçut le nouveau émissaire de Quraysh, il dit « Les complications se dénouent. Les Qurayshites aspirent à la paix, c'est pourquoi ils envoient cet homme. » Après la discussion entre Suhail et l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, un traité de réconciliation et de paix fut rédigé, dont voici les articles. Les musulmans retourneront chez eux cette année, sans avoir accompli la Umrah, et reviendront l'année prochaine, mais ils ne resteront pas à la Mecque plus de 3 jours. Ils ne porteront pas d'armes autres que leurs épées rengainées. Et les Qurayshites s'engagent à ne rien tenter en vue de s'opposer aux musulmans durant leur séjour à la Mecque. 2. La guerre sera suspendue pour 10 années, période durant laquelle les deux parties vivront en totale sécurité sans jamais se combattre. 3. Quiconque souhaitera s'unir à Muhammad dans son pacte et son alliance pourra le faire, et quiconque souhaitera s'unir à Quraysh dans son pacte et son alliance pourra le faire également. Toute agression contre la tribu qui se joindra à l'une ou à l'autre partie sera considérée comme visant cette dernière. 4. Si un membre de Quraysh se réfugie chez Muhammad sans l'autorisation de son wali, protecteur, il sera renvoyé à la Mecque, tandis que si un partisan de Muhammad revient à la Mecque, il ne sera pas renvoyé à Médine. Appelé pour rédiger le traité, Ali ibn Abi Talib commença par écrire les mots « Bismillahirrahmanirrahim ». Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais le représentant des Qurayshites, Suhail ibn Amr, déclara qu'il ne connaissait rien concernant Ar-Rahman, et il insista pour que fût employée la formule habituelle « Bismikallahumma » en ton nom, ô Allah. Les musulmans furent réticents, mais le prophète alayhi salatu wassalam accepta et il commença à dicter. Ce qui suit énumère les termes de l'accord conclu entre Muhammad, le messager d'Allah, et Suhail ibn Amr. Suhail protesta de nouveau. « Si nous t'avions reconnu comme envoyé d'Allah, nous ne t'aurions pas empêché d'accéder à la maison sacrée et nous ne t'aurions pas non plus combattu. » Écrit plutôt Muhammad ibn Abdillah, Muhammad fils de Abdallah. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Je suis bien le messager d'Allah, même si vous m'avez traité de menteur. » Il ordonna à Ali de se plier à l'exigence de Suhail et d'effacer le mot « messager d'Allah ». Mais celui-ci dit qu'il ne pouvait faire une telle chose. Ce fut le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, qui le fit après qu'on lui eut indiqué l'emplacement des mots en question sur le document. Le traité conclu, les Khuza'a, anciens alliés des Banu Hashim, s'allièrent avec les musulmans, tandis que les Banu Bakr s'unirent à Quraysh. Le traité n'était pas encore entièrement rédigé lorsque le fils de Suhail, Abu Jandal, apparut sévèrement enchaîné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, essaya d'obtenir sa libération. Mais Suhail se montra inflexible et refusa de traiter avec le prophète alayhi salatu wassalam si son fils ne lui était pas remis. Suhail frappa son fils au visage et le prit au collet pour le ramener à la Mecque. Abu Jandal se lamentait à pleine voix. « Vais-je être renvoyé chez les polythéistes qui risquent de me détourner de ma religion, ô musulmans ?» L'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam lui dit « Ô Abu Jandal, sois patient et compte sur la récompense d'Allah. » Allah t'aménagera ainsi qu'aux faibles qui sont dans le même état que toi une issue. Nous avons conclu avec ces gens Quraysh un traité de paix, et nous nous sommes engagés à le respecter au nom d'Allah. Nous ne pouvons donc en aucun cas rompre cet engagement. Omar ibn al-Khattab se leva alors et vint se tenir auprès d'Abu Jandal en disant « Ô Abu Jandal, fais preuve de patience. Ce ne sont guère que des associateurs, et leur sang ne vaut guère mieux que celui du chien. » En lui parlant ainsi, il rapprochait de lui la poignée de son sabre dans l'espoir qu'il s'en saisisse pour frapper son père, mais il n'en fit rien. Après la conclusion du pacte, le prophète alayhi salatu wassalam ordonna à ses compagnons de procéder au sacrifice rituel, mais ils étaient trop abattus moralement pour le faire. Le prophète alayhi salatu wassalam réitéra sa demande encore 2 autres fois, mais personne ne se leva pour exécuter ses ordres. Il en parla à son épouse Salama, laquelle lui conseilla de prendre l'initiative en sacrifiant un animal le premier et en faisant raser sa tête. Voyant cela, les musulmans, bouleversés, commencèrent à égorger leurs animaux de sacrifice et à se faire raser la tête. Ils faillirent même, en se rasant mutuellement, s'infliger de graves blessures, tellement leur affliction était grande. Le prophète, alayhi salatu wassalam, invoqua trois fois Allah en faveur de ceux qui avaient fait raser leur tête et une fois pour ceux qui avaient simplement fait couper leurs cheveux. Les musulmans égorgèrent les bêtes de sacrifice. Un chameau fut sacrifié pour le compte de cet homme et une vache pour le même nombre de gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sacrifia un chameau qui appartenait autrefois à Abu Jahl et que les musulmans avaient saisi à Badr, dans le but d'exaspérer les polythéistes. Durant la campagne d'Al-Hudaybiyah, le prophète, alayhi salatu wa sallam, permit à Ka'b ibn Ujra, qui était en état d'ihram pour la Umrah, de faire raser sa tête avant le terme prévu à cause d'une maladie, à condition de jeûner trois jours et de faire une aumône ou un sacrifice, cela tenant lieu de compensation. Concernant ce point, Allah a révélé le verset suivant, selon son sens. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un siyam, un jeûne, ou par une aumône ou par un sacrifice. Sourate 2, verset 196. Après la conclusion du traité d'Al-Hudaybiyah, quelques femmes musulmanes émigrèrent à Médine et demandèrent refuge au prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui leur fut accordé, bien que leur famille ait demandé leur retour. En effet, il était bien spécifié dans le traité que seuls les hommes pouvaient être remis à leur protecteur à la Mecque. Allah révéla à ce sujet « Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrés, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. » Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme dot, mahar. Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur mahar, leur dot. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Sourate 60, verset 10, selon le sens du verset. Dès lors, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, mit à l'épreuve les croyantes qui émigrèrent à Médine en leur exposant les conditions établies dans le verset 12 de la sourate 60. Ô prophète! Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et en jurent qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Sourate 60, verset 12, selon le sens du verset. Celles qui acceptaient ces conditions prêtait serment d'allégeance et n'était pas renvoyé à la Mecque auprès de sa famille. Le verset cité plus haut, sourate 60 verset 10, est venu interdire le mariage des femmes musulmanes avec les non-musulmans. De même, il fut ordonné aux hommes musulmans de divorcer d'avec leurs épouses mécréantes. Le traité d'Al-Hudaybiyah, son impact sociopolitique. Une série d'événements vint confirmer la profonde sagesse et les perspectives brillantes sous-jacentes à ce traité de paix qu'Allah appela dans le Saint-Coran une victoire éclatante. Comment pouvait-il en être autrement, alors que les Quraychites venaient ainsi de reconnaître la légitimité de l'existence des musulmans sur la scène politique arabe et qu'ils commençaient à traiter équitablement avec les partisans de l'islam? À la lumière de ce traité, les Quraychites renonçaient à leurs prétentions de dirigeants sur le plan religieux, reconnaissant qu'ils ne se sentaient plus concernés par le devenir des gens n'habitant pas leur territoire et abandonnant toute velléité d'intervention et d'influence relatives à l'avenir religieux de la péninsule arabique. Ce pacte fut véritablement une victoire éclatante. Les batailles que les musulmans avaient été obligés de livrer n'avaient pas pour finalité de ravir la vie des gens ou de saisir leurs biens, mais plutôt de garantir la liberté religieuse. Que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut renier, renie. Sourate 18, verset 29, selon le sens du verset. Or, cette condition fut obtenue par la conclusion du pacte d'Al-Hudaybiyah. Les musulmans avaient enfin la possibilité de répandre l'islam grâce au climat de paix qui était établi. La prédication islamique récolta un franc succès, car le nombre des musulmans augmenta ostensiblement dans les deux années qui suivirent la conclusion du traité, au point que la seule armée musulmane finit par compter durant cette période 10 000 combattants. L'article du traité suspendant les hostilités pour une période de 10 ans prouvait clairement la complète faillite de l'arrogance politique de Quraysh et de ses alliés, et témoignait de l'effondrement et de l'impuissance de ses perturbateurs. Les Quraychites avaient été obligés de faire toutes ces concessions en échange d'un article qui était apparemment en leur faveur, mais qui en fait n'était pas préjudiciable aux musulmans. Il s'agissait de l'article qui imposait de restituer aux Quraychites les hommes croyants venus chercher refuge à Médine sans autorisation des Mécois polythéistes. À première vue, cette clause leur était défavorable, d'où les objections qu'elle suscita dans le camp musulman. Le cours des événements révéla cependant que c'était une source de bienfaits. Les musulmans renvoyés à la Mecque n'étaient absolument pas enclins à abandonner l'islam. Bien au contraire, ils devenaient des prêcheurs très actifs. Il était impensable qu'ils deviennent des apostats ou des renégats. La sagesse sous-jacente relative à cette trêve apparut avec évidence dans la succession de quelques événements ultérieurs. Après le retour du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, Abu Basir, qui s'était enfui de la Mecque, vint à lui en tant que musulman. Quraysh dépêcha deux hommes pour demander qu'ils soient extradés. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam le leur rendit-il. Mais en chemin, Abu Basir tua l'un d'eux et poursuivit le second qui s'enfuit à Médine. Arrivé auprès du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Basir dit « Tu es libre de toute obligation vis-à-vis de Quraysh me concernant et Allah t'en a affranchi. En effet, tu m'avais remis entre les mains de ces hommes et Allah m'a délivré d'eux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Malheur à sa mère, il déclencherait une guerre s'il avait d'autres compagnons à ses côtés. » Quand Abu Basir entendit cela, il sut qu'il allait être de nouveau renvoyé à la Mecque. Aussi décida-t-il de s'enfuir et il partit très loin, à Saiful Bahr. Les autres musulmans opprimés à la Mecque commencèrent à s'échapper et à le rejoindre. Ce fut le cas entre autres d'Abu Jandal, et il se constitua de la sorte une colonie importante qui ne tarda pas à vouloir se venger de Quraysh. Ce qu'elle fit en interceptant les caravanes des Mécois. Les païens de la Mecque, se voyant impuissants à contrôler ces exilés volontaires, supplièrent le prophète alayhi salatu wassalam de supprimer la clause d'extradition des réfugiés musulmans. Ils l'implorèrent par Allah et par les liens de parenté qui les unissaient à lui de ne plus leur renvoyer ceux qui, des musulmans, s'échapperaient de la Mecque. L'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam demanda donc à Abu Basir et à ses compagnons de revenir à Médine. Telle fut la concrétisation des articles du traité de paix qui favorisèrent donc l'État islamique naissant. Toutefois, deux points semblaient rabaissants aux yeux de certains musulmans, à savoir l'impossibilité d'accéder au sanctuaire sacré cette année-là et l'attitude de réconciliation apparemment humiliante avec les païens mécois. Omar ibn al-Khattab, incapable de se maîtriser tellement l'affliction avait saisi son cœur, vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit « N'es-tu pas le messager d'Allah ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit posément « Certes, je le suis. » Omar prit de nouveau la parole pour demander « Ne sommes-nous pas sur la bonne voie, tandis que nos ennemis sont sur la mauvaise ?»« Certes, oui, » répondit le prophète, alayhi salatu wassalam. Omar continua à l'interroger ainsi « Nos morts n'iront-ils pas au paradis et les leurs en enfer ?»« Certes, oui, » répondit une nouvelle fois l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Omar s'empressa alors de faire la remarque suivante. Pourquoi devrions-nous alors tolérer l'humiliation dans le domaine de la foi? Pourquoi rebrousser en arrière alors qu'Allah n'a pas jugé entre eux et nous? Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne se départit pas de son calme et lui dit en parfaite confiance « Je suis le messager d'Allah. Je ne lui désobéis jamais et il me secourra. » « Ne nous as-tu pas dit, rajouta Omar, que nous allions entrer dans le sanctuaire sacré et faire le tour de la Kaaba? Mais je n'ai jamais dit, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, que nous l'effectuerions cette année-ci. Omar dit « Non ». « Eh bien, » reprit le prophète sallallahu alayhi wasallam, « tu entreras dans le sanctuaire sacré et tu feras le tour de la Kaaba. » Mais intérieurement, Omar était bouleversé. Il vint auprès d'Abu Bakr et lui fit part de ses sentiments. Abu Bakr lui répéta les propos du prophète alayhi salatu wassalam en ajoutant « Obéis-lui, car par Allah, il est sur la voie de la vérité. » C'est alors que fut révélée la sourate 48, la victoire éclatante, disant « Inna fatahna laka fatham mubina » En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Sourate 48, verset 1, selon le sens du verset. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit venir Omar et lui communiqua la bonne nouvelle. Le cœur de Omar déborda de joie et il se mit à regretter sincèrement son attitude antérieure. Il ne cessa de dépenser de l'argent en aumône, de jeûner, de prier et de libérer des esclaves afin d'expier son comportement. Le début de la 7e année de l'Hégire fut marqué par la conversion à l'islam de 3 hommes très respectés à la Mecque, à savoir Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid et Uthman ibn Talha. En apprenant la nouvelle de leur conversion à l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quraysh vient de nous donner ce qu'elle a de plus précieux ».